Ouais. C'est un fait, mec, la cité qu'on connaît. Yeah. On écrit que la réalité, yeah, que yeah, du vrai, yeah, yeah, c'est clair. Nous on s'en tape du show business. Hier, yeah, je me rappelle, yeah, quand on a débarqué, le hip hop nous matait. Yeah. Croyait qu'on était comme eux, yeah, mais j'ouvre nos yeux. Ouais. La merde, notre style de vie, y'a pas. Nous on vient pas de Ripa, on fout le feu. On vient de la rue, donc on parle fort de ce qui se passe ici. Conneries, rot de képi, ouais, et même de Messi. Ou un autre avis, yeah, comme les pédalis. Notre parole est déguisée, guerre bas, guerre bas. Les murs, les tours nous rendent fous. Uh-huh. Trop de frères en zonce, cache bras, histoire de fou. Ouais. Tu peux dire, ma crève dans la rue. Dans au la lieu rue d'étudier, ils fument toujours ce sachet. Ouais. J'explique, uh-huh, si t'es de France, même que Munich, uh-huh, je raisonnerai, Inch'Allah, jusqu'au jour de ma mort. Moi, personnellement, ouais, je m'instruis. Uh-huh. J'espère qu'ici, ça sera jamais comme aux États-Unis. Yeah. NAP, seul lieu, le quartier, yeah, c'est un fait. Yeah. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair. Nous on s'en tape du show business. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. La vie que je mène, soldat du quotidien, la rue un filet. Je parle de moi et de mon feeling. Des fois ici c'est comme un film. Y'en a qui tapent dans le deal, les jaloux pour la mer se décime. Petit frère, tu sais avec ce qu'on fait, c'est la galère qu'on fusille. Maintenant Marc, tout connu partout nationalement. Lève tes bras, bats-toi, supporte-nous jusqu'à la mort. La drogue passant, c'est l'islam qui nous a rendu fort. Où sont les mecs qui disent que le rap c'est bientôt fini? Les frères déconnent, croient que c'est mieux, mais ils se font des idées. Par les keufs, arrêtez 11, puis voilà les jours passés, yeah, yeah. Maintenant agissez si vous voulez, votre vie va changer. Vas-y, attends, y'en a là-bas, vas-y, attends, attends. Vas-y, coupe vite, purée. Reste à côté de moi. Vas-y, Rachid, vas-y. Vas-y, attends. Lâche-toi. Vas-y, lâche-toi. Faut pas les faire du con, la merde. Lâche-toi. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair. Nous on s'en tape du show business. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair. Nous on s'en tape du show business. Yo, je pense à mon passé, d'être humain frustré. Vague ennemi au diable, ma vie, je voulais donner. Vite sans esprit, trop de keuf, je t'apprends rien, cousin. Je reste à ma place, même si t'es plus mon voisin. Ça a toi d'être mon frère, je te serre la main. Flashback sur les sacs, ça comme un vaurien. Je m'en souviens des fois nage mort, pourtant autant. On était cool, pas de drogue, personne n'était mort encore. Sans peur, 98, 17. Sans scrupule, ils vendent de la mort. On changeait de concept, ouais. Pourquoi les petits sont pas comme nous, on était. Parle pas bête, chauffe pas de travers. Je viens des quartiers, j'ai dit d'avance à toutes les cités HLM de France. Pense. NAP, NAP, ligne du Tador. Wesh, ya, chez WAM, ça va y aller, viens voir chez WAM, ya, NAP, c'est chaud. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair, nous on s'en tape du show business. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair, nous on s'en tape du show business. Yo, yo, pas de bouquin, pas de 14, la ligne du 14, nerf la cité, d'où on vient, vient d'ici, ouais, le croisement, ya. HLM France, yo, ya, galère, ya, ya, mais les vrais, vrais et seuls, ya, ya, d'où on vient, Sarajevo. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair, nous on s'en tape du show business. NAP, seul lieu, le quartier, c'est un fait. Mec, la cité qu'on connaît, on écrit la réalité. Que du vrai, yo, c'est clair, nous on s'en tape du show business.